Avec moi c'est gangsta, lava lava. Et quand je merde, je t'offre des toka toka. La street m'a fait des dégâts, dégâts. Ah, mais ça tu le savais déjà, déjà. Maintenant tu pégais, pégais dans mes oreilles, tu kouma kouma. Tu me dis que je suis pas là, pas là. Tu cherches des palapalap, mais moi je suis pas trop bava bava. Maintenant c'est comment comment, c'est comment comment, c'est comment comment. On va faire comment comment, mais comment comment, on va faire comment comment. Je suis gangsta love, je fais des love. C'est pas des lol, t'es pas contente, tu te sauves. Je veux pas ton gangsta love, je veux pas tes love. Bien sûr tu lol, mais t'inquiète pas, je me sauve. Gangsta love, je n'ai plus gangsta love. Gangsta love, je veux pas ton gangsta love. Tu m'as promis du lova lova. Fais pas mes gangs. Avec moi c'est never never. J'suis pas dans ce game. Les keufs qui viennent, qui toka toka. J'ai la flemme. Les meufs, les chaudas chaudas. Tu vas perdre ta reine. Les histoires de cité cité. De mecs excités excités. Tu me dis que t'es piqué piqué. Mais moi j'sais plus où me situer situer. Maintenant c'est comment comment. C'est comment comment. C'est comment comment. Faire comment comment, comment comment, on va faire comment comment. Je suis gangsta love, gangsta, je fais des love, je fais du riz. C'est pas des lol, c'est pas des t'es pas content, tu te sauves. Je veux pas ton gangsta love, je veux pas tes love. Bien sûr tu lol, mais t'inquiète pas, je me sauve. Gangsta love, je n'ai plus gangsta love. Maintenant tu t'en vas. Si t'acceptes pas ma vie, c'est que tu ne veux pas de moi. Oui j'ai perdu du temps, mais il ne se rattrape pas. Tu t'es joué de moi. J'suis gangsta love, gangsta. Je fais des love, je fais du riz. C'est pas des lol, pas des lol. T'es pas content, tu te sauves. J'veux pas de ton gangsta love, j'veux pas tes love. Mes sacrifices. Non, c'est toi qui es égoïste. Tu vois pas mes sacrifices. Là, c'est toi qui es égoïste. Tu vois pas mes sacrifices. Non, c'est toi qui es égoïste. Tu vois pas mes sacrifices.